Exercice 2, page 91. A. Cet homme est beau. B. C'est un petit bâton. C. C'est une femme d'une grande bonté. D. Mario va partir. E. Il faut un gâteau. F. Il pose son menton sur la table.